On a pour nous tant de voyages, tant de cailloux, tant de rivages, tout le Pérou et l'or du grand Inca. Mais on est là, rue machin chose, moitié tabac, moitié névrose, on n'ose pas faire le tout premier pas. On est fait pour rêver, embrasse-moi, tu m'emmènes, tu m'entraînes tellement loin de moi. On est fait d'un cœur de goéland, on est fait d'une moitié de nous-mêmes, on est fait de sable et d'océan, et c'est pour ça qu'on se dit je t'aime. On est fait d'une plume de condor, on est fait pour passer Magellan, on s'arrêtera bien quand on sera mort, mais faut vivre tant qu'on est vivant. Et pour l'amour, c'est la même chose, on est fait pour l'apothéose, lever du jour sur les tangos du port. Mais on est là, quai du silence, moitié pourquoi, moitié je pense, sans faire un pas pour changer de décor. On est fait pour s'aimer, embrasse-moi, tu m'emmènes, tu m'entraînes tellement loin de moi. On est fait d'un cœur de goéland, on est fait d'une moitié de nous-mêmes, on est fait de sable et d'océan, et c'est pour ça qu'on se dit je t'aime. On est fait d'une plume de condor, on est fait pour passer Magellan, on s'arrêtera bien quand on sera mort, mais faut vivre tant qu'on est vivant. On est fait d'un cœur de goéland, on est fait des amours de cigale, on est fait pour rire comme des enfants, on est fait pour pas se faire de mal, on est fait pour s'étonner d'abord, on est fait pour mourir en dansant, on s'arrêtera bien quand on sera mort, mais faut vivre tant qu'on est vivant. Wapa! On est fait d'un cœur de goéland, on est fait d'une moitié de nous-mêmes, on est fait de sable et d'océan, et c'est pour ça qu'on se dit je t'aime. On est fait d'un cœur de goéland, on est fait d'une moitié de nous-mêmes, on est fait de sable et d'océan, et c'est pour ça qu'on se dit je t'aime. Wow.